Bonjour Serena. Bonjour Paula. Est-ce que tu préfères mourir là maintenant tout de suite et on n'en parle plus ou passer le reste de ta vie à errer dans les rues avec une tête de cake? C'est pas trop dur. C'est facile, les choix. Je pense que je préfère mourir. Tu préfères mourir? Ouais. Mais tu préfères Tom Cruise? Ouais. I feel the need. The need for speed. First, take a big step back and literally fuck your own face! All I'm saying is I want to be treated like a human being! Respect the cock! I'm a Vietnam veteran! Anchor Man does what he can. I love you. Until his destiny is revealed. You? Last chance to walk away. Et bonjour et bienvenue dans Cruise Control, le podcast qui vous prouve que Tom Cruise est la dernière star d'Hollywood. Pour ce faire, nous regardons les films un par un depuis le début de sa carrière jusqu'à la fin qui est éternelle, donc ce podcast est éternel aussi. On décortique le film, on parle de Tom Cruise, on parle de tout ça et on dit pourquoi il est aussi merveilleux, puissant, génial, insérer ici la mention adéquate. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Interview with the Vampire, interview avec un vampire en français, un film sorti en 1994, avec entretien avec un vampire, oui, voilà. Tout le monde me regarde dans interview, entretien avec un vampire. Un film sorti en 1994 de Neil Jordan où Tom Cruise incarne le sémillant et magnifique Lestat de Lioncourt. Et aujourd'hui, on va quand même, on a une invitée particulière. Oh oui. Oui, on a une spécialiste en tout ce qui est suceur de sang. À tel point qu'en fait, il y a une série, la série Buffy, chasseuse de vampires, a été inventée d'après elle. C'est Marie, chasseuse de moustiques. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour. Comment ça va bien? Ça va bien. Alors, question habituelle pour les invités qu'on a eu, on a eu par milliers d'ailleurs. Une autre. Quel est ton rapport ou tes rapports avec Tom Cruise? Je n'ai aucun rapport avec Tom Cruise. Je n'ai jamais, ouais. Ah là là. Les gens ont des rapports très plats avec Tom Cruise, finalement. Il n'est pas très aimé, Tom Cruise, en fait. Ah non, c'est pas que je ne l'aime pas. Ah. C'est... T'as aucun attachement particulier? Non. Ouais, c'est non. Tom Cruise, je sais pas. C'est Tom Cruise. Ok, ouais. T'as autant d'attachement avec lui qu'avec un poireau. J'ai peut-être plus d'attachement avec les poireaux. Oh okay. Non. Ça commence très très mal. C'est pas facile ça. Ça, c'est dur à entendre, mais on peut le faire. On peut ça le faire. Fait du mal. Alors, est-ce que, du coup, Marie et Serena, est-ce que vous aviez déjà vu Entretien avec un vampire? Alors, Marie. Alors, oui, j'avais vu Entretien avec un vampire. Je pense que j'étais même allée le voir au cinéma quand il est sorti. J'avais un plutôt bon souvenir. D'accord. T'étais contente de le revoir? Avant, oui. Après, c'était plus compliqué. Ouais. Et toi, Serena? Moi aussi, je l'avais vu, pas au cinéma, mais je l'avais vu ado. C'est les trucs que tu fais avec tes copains. Ouais. Et après, tu dis, ah, regarde les vampires et tout. Et oui, j'avais très envie de le revoir. Voilà. Okay. Et toi? Moi, je l'avais jamais vu. Du coup, j'avais pas d'attente particulière, mais je me suis dit, bah, c'est cool, le truc de vampire, on va voir ce que ça donne. Après, un peu méfiant parce que la dernière fois qu'il a fait des trucs fantastiques, c'était Legend et j'avais pas trop aimé. Donc voilà. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Mais non, après, c'est peut-être marrant, je te dis. Hein, ouais. Ouais. Le vampire. Ouais. Alors, est-ce que c'était vraiment marrant? Ça, on va le savoir parce qu'on va avoir le super résumé de Serena. Serena, c'est à toi quand tu veux. Allez, c'est parti. Bon. Alors, on est dans une ville moderne, oui. Non, San Francisco, c'est ça. On voit déjà les titres d'entrée, c'est Quai des comédiens des ouf malades, Antonio Banderas, Kristen Dunst, Tom Cruise, Brad Pitt, Christian Slater. Et là, tu fais, ok, d'accord, on va s'amuser. on est dans un petit appartement. Il y a un journaliste qui enregistre avec son magnéto machin et qui parle à Brad Pitt, qui est des dos comme ça, tout mystérieux, et lui dit en gros, je vous ai vu dans une allée, je vous trouvais très intéressant, je vous ai suivi, est-ce que ça vous va, je veux bien vous interviewer. Oui. Et Brad Pitt, il dit, bah, moi aussi, je vous attendais dans l'allée, je voulais boire votre sang. Mais bon, je petite blague. Au début, le journaliste, il comprend pas trop. Et après, petit à petit, il comprend qu'il est vraiment un vampire. Il fait d'ailleurs un super tour de magie où il va super vite allumer la lumière et il revient. Wow! Qu'est-ce qu'il a fait? Et là, il comprend, OK, d'accord, vous êtes vraiment un vampire. Donc, le journaliste, il y croit. Et Brad Pitt, lui, je sais pas comment, c'est quoi son nom de famille, mais en tout cas, Louis, il est présenté comme lui, raconte son histoire. Et tout commence en 1791, voilà ça. Il est maître d'une plantation en Nouvelle-Orléans, plein d'esclaves, et lui, il tout est sur bien, son donc. Cheval. La tout vie belle. La vie, pas trop belle, parce que sa femme vient de mourir en accouchant de son enfant, et l'enfant et la femme meurent au même endroit. Cool, il est triste. Cool. Il est désespéré, il veut mourir. Il cherche la mort partout. Et qui va répondre à son appel? Une seule personne. Tom Cruise! Si vous avez des problèmes, que vous voulez mourir, appelez Tom Cruise. Tom, qui est un vampire, qui s'appelle Lestat, qui le suit. Et à un moment, il le mord, il boit son sang et il s'envole, je crois. C'est là qu'il est. Il le mord. Il s'envole au-dessus du bateau. Il s'envole au-dessus du bateau, il le lâche dans l'eau. Il le récupère et lui dit, bah là, il n'est pas encore vampire, il a juste mordu. Il a bu presque tout son sang et lui dit, t'as le choix, soit tu meurs maintenant, soit tu deviens vampire. Le choix deviens... qu'on ne m'a pas laissé. Tout à fait. Et du coup, tant que Brad Pitt, il dit, oui, devenir vampire, s'il te plaît. Je ne veux pas mourir. Finalement, je réfasse. Lestat, il se mange son... Enfin, il se mord son bras et il fait boire son sang à Brad Pitt. Qui se transforme en vampire. Donc, il laisse son corps d'humain pour devenir vampire. Et qu'est-ce qui se passe? Apparemment, il a des sensations de ouf. Il revoit tout avec sa vision. Les dons des ténèbres. On n'explique pas trop qu'est-ce que c'est, mais en tout cas, tu as l'impression qu'il a des super sens développés bizarrement. Donc, il se retrouve dans la vie de vampire. Donc, Lestat, il déménage chez lui. Donc, dans la super maison en plantation Nouvelle-Orléans. Il fait un peu le squatter. C'était l'occasion. Et il commence à lui montrer un peu la vie de vampire. Donc, ils doivent sortir qu'est la nuit. Il ne peut pas voir le soleil jamais plus. Et il le fait dormir dans un cercueil. Ça, ils disent que c'est nécessaire. Tout le reste, l'ail, le machin, les crucifixes, c'est complètement du pipeau. C'est l'ombre de Pitt qui dit ça aux journalistes. Bref, et les stats, ils lui montrent comment tuer, comment bouffer, donc tuer des proies. Donc, on entend la voix de lui qui raconte aux journalistes que les stats, ils tuent 2 à 3 femmes par soir. Femmes, hommes, en réalité, c'est assez mixte. Surtout des aristocrates. Oui, tout. C'est son meilleur. C'est plus... et plus ils se comportent mal, apparemment. Plus ils sont goûteux, quoi. Voilà, donc ils se retrouvent dans une grosse fête où ils essaient de tuer une riche, la super riche comtesse, machin truc, qui a 2 caniches qui la suivent. Et Brad Pitt, il n'arrive pas à la tuer et il tue les caniches. Les statistes s'énervent. Première bagarre. Non, tu dois tuer des gens. Non, je ne vais pas tuer. Je veux tuer des caniches. Je te déteste. Et super belle bagarre où les stats, ils rigolent, ils rigolent. Ils disent, ah, de toute façon, tu ne peux pas me tuer. Je suis un vampire. Et on doit convivre le reste de notre vie. C'est l'angoisse. Ils se retrouvent quand même dans la grosse maison, plantation, machin truc. Les stats, il arrête pas de tuer. Lui, il veut pas tuer, donc il mange que des animaux, des rats, des trucs. C'est pas très bon, apparemment. Pas très nourrissant. Mais bon, il survit comme ça. Les esclaves de la plantation, ils disent, ah, c'est les diables. Ah, ils font des espèces de trucs exorcisme la nuit autour du feu, machin truc. Brad Pitt, il dit, oui, c'est vrai, votre maître, elle est diable. Vous êtes libre, échappez-vous, et elle brûle la maison. Les stats, ils arrivent et disent, mais non, t'as brûlé la maison des luxes qu'on avait, n'importe quoi. Bon, ok, on se casse. Ils vont à Nouvelle-Orléans. Ils vivent dans un hôtel. Et toujours la même chose. Les stats, ils essaient de convaincre lui à tuer, mais lui, il se plaint tout le temps, il n'y arrive pas. Il y a des scènes horribles où ils essaient de tuer un nana, mais c'est horrible, horrible, horrible. Elle dit, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bref. Et lui, il s'échappe, c'est la peste. Donc, il se retrouve dans un quartier où il y a plein de gens qui sont morts des pestes et il voit une petite fille qui a au pied de sa mère qui est morte de peste, qui a le visage tout défiguré, qui pleure et dit maman, maman, maman, qui va vers Brad Pitt, lui. Il dit ah, sauve-moi, s'il te plaît, ma maman est morte, mon père. Non, même elle ne sait même pas si elle est morte, non. Ouais. Ouais, c'est pas très clair pour elle. Ouais, genre, mon père est parti, ma mère, s'il te plaît, tu peux pas la faire revenir, un truc comme ça, hein, chelou. Il lui donne son coup et là, lui, il a mort. Donc, il est choqué, il a mordu un enfant. Ah, il s'échappe et dit, mais c'était tellement bon. En fait, l'enfer, nous, on n'a pas d'enfer, mais en fait, l'enfer, c'est toujours avec nous. Sauf, je me suis rendu compte que sauf quand je tue, je suis en paix. Ah, horrible. Les stats, il le suit, il le voit, il est trop content qu'il a mordu quelqu'un, il commence une petite danse avec les cadavres de la mer. c'est un autre drôle. Lui, il se casse. Et Lestat, il le suit, il dit « Ah, mais regarde, je t'ai fait un cadeau, ne te prends pas la tête, viens avec moi. » Et il a transformé la petite fille en vampire, elle aussi. Et elle est toute jeune, quoi. Elle a genre 8 ans, ouais, 7 ans. Et du coup, on voit la transformation de la fille en vampire, les cheveux deviennent tous bouclés, elle est tout super bien habillée, la peau pâle et les yeux bleus. Pif, vampire. Et les stades, ils disent comme ça, on sera en famille, enfin, de père, un père-mère, ou père-père, et la petite fille. Un papa, une petite fille, une petite famille, fille. Quoi. En fait, on peut dire que les stades a fait un enfant dans le dos. Ouais, à lui. Tout en pensant lui faire plaisir. Oui, bah, finalement. Et en plus, ça lui fait un peu plaisir quand même, je trouve. Non. Donc, il commence à créer cette petite famille heureuse. Lui, les stades, et Claudia, la petite fille. La petite fille, on croit qu'elle est toute mignonne, toute gentille, mais non, c'est une des plus féroces vampires qu'on a jamais vues, plus féroce que les stats. Au début, elle tue tout le monde à la maison et ils lui disent « Non, mais on t'a dit 1000 fois de ne pas le faire à la maison. » Pas drôle. Les domestiques. Et après, elle commence à jouer avec les proies. Et c'est assez perturbateur. Mais bon, Claudia, elle est toujours gamine. Et 30 ans se passent et elle est toujours gamine parce qu'elle vieillira jamais. Et elle dit, mais pourquoi je ne peux pas devenir une femme? Je veux devenir une femme, je veux devenir une femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis comme ça? Donc, elle est très en colère contre Lestat et lui. Et lui, il lui raconte la vérité. Je t'ai mordu, Lestat t'a rendu vampire parce que je t'avais enlevé la vie. Donc, il t'en a donné une nouvelle. Mais tu ne grandiras jamais. Ah, trahison ultime. Claudia, elle est trop vénère. Elle se prend la tête avec tout le monde. Elle revient vers lui. Il dit, ah, je suis désolée quand même que je me suis prise à la tête. Et elle va chez les stats, donc Tom Cruise, et lui dit « Ah, désolée, j'étais très méchante, mais maintenant j'ai terminé un cadeau. Deux enfants tout beaux qui sont endormis sur les canapés, je leur ai donné juste un peu de brandy, je ne sais pas comment on dit en français. Mais brandy. De l'alcool, ils sont bourrés, c'est du sang frais pour toi. » Les stats, il est trop content, il boit le sang et là... Et non, ce ne sont pas des enfants qui sont bourrés, ce sont des enfants morts. Non, jamais boire. Et ça, c'est une des règles d'or, ne jamais boire de sang mort. Ouais, de sang de corps mort. Et en fait, elle est très maligne parce qu'elle leur donne du poison qui laisse les sangs chauds. Donc, ils sont morts, mais les sangs, ils restent chauds. Et les stats, ils commencent à dépérir parce qu'apparemment, tu peux mourir si tu bois, si tu es un vampire. Attention, vampire, ouais. Si vous êtes vampire. Astuce pour les vampires. Jamais boire du sang des morts. Donc, non seulement il est un peu en train, il est à quatre pattes, il est en train de mourir. Claudia le prend, elle prend un couteau et clac, elle le gorge devant lui. Donc, il meurt. C'est l'agonie. Ouais. Hein. C'est l'agonie, c'est horrible. Ouais. C'est horrible. Du sang. T'as l'impression qu'il y a un fleuve de sang qui s'écoule de là. Du coup, Claudia dit, qu'est-ce qu'on fait, Louis? Qu'est-ce qu'on en fait? On lui jette tous ses corps, machin. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les stats? Ah, les marais. Donc, il l'amène dans un marais. Plouf, il le jette dans les marais. Il y a un alligator qui arrive. On imagine, il va les manger. Oui. Quatre. Et ils veulent partir de là-bas, donc ils décident d'aller en Europe pour chercher d'autres vampires, parce qu'ils sont les deux seuls dont il y avait les stats, mais il est mort. Et donc, Il veut trouver une autre manière de vivre en tant que vampire, en fait. Voilà. Donc, ils étudient l'Égypte, je crois, à un moment. Ils étudient l'Europe. Ils voyagent. Ils vont partout. Parce que la nouvelle quête de Louis, c'est trouver d'autres vampires. Donc, ils se retrouvent à Paris. Ils cherchent des vampires. Ils n'en trouvent pas. Mais un soir... il y a un bâtiment où il y a tous les vampires du monde. C'est un peu ça. Avec écrit vampire à l'entrée. Il y a un gars qui le suit et il se retourne et il découvre... Il part pas, il commence à faire une espèce de mime bizarre. C'est le mime Marceau, donc. Le mime Marceau des vampires qui commence à marcher tête à l'envers. Donc lui, il comprend qu'il est un vampire. Et il y a un autre qui arrive avec des grands cheveux longs, ténébreux. C'est Antonio Banderas, Armand, qui lui dit « Nous sommes des vampires, en gros. Viens. » Il lui file une carte et il écrit « Théâtre des vampires. » Bon. C'était assez clair. Fallait regarder dans l'annuaire, finalement. C'était pas bien dur. Donc, Louis et Claudia vont au Théâtre des Vampires et on découvre que les vampires à Paris, ils font du théâtre. Donc, on voit toute la scène du spectacle. Et il y a énormément de public et ils font des trucs chelous. Ils sont habillés avec des espèces de sacs poubelles tout en noir. C'est un peu New Age. et jusqu'au moment où ils amènent une fille sur le plateau qui dit « Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ?» Et il la bouffe devant tout le monde. Fin du spectacle. Le public, il ne sait pas trop si c'est vrai, si ce n'est pas vrai. C'est un peu chelou. C'est un peu tordu. Et Claudia et Louis, du coup, ils regardent ça. Ils sont un peu perturbés quand même. Ils ne sont pas très, très contents. Claudia, elle comprend tout de suite l'enjeu. Armand veut Louis. Mais Claudia, elle est en milieu. Donc, lui, il ne laissera jamais la petite fille, qui est désormais, elle a 100 ans, genre... Et Armand, il veut être amant, je crois, avec lui. Oui. On comprend pas trop, mais en tout cas, il lui dit, toi, tu es le nouveau regard sur les nouveaux mondes. Moi, je suis un vampire tellement vieux de la vieille Europe. Donc, j'ai besoin de toi, que tu sois avec moi. Et Claudia dit, ne m'abandonne pas, n'est-ce pas ? Non, je t'abandonne pas. Ouais, mais quand même. T'inquiète, je vais pas t'abandonner. Il y a un petit... Et un doute, ambiguïté. Donc Claudia, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle trouve une dame qui a perdu sa fille et elle lui demande de devenir vampire et elle n'arrive pas à la faire devenir vampire elle-même parce que Claudia, elle est trop faible, apparemment. Elle est trop petite, peut-être elle a trop peu de sang dans les veines, je ne sais pas. Mmh. Et elle demande à lui, donc Brad Pitt, de la transformer en vampire pour elle. Brad Pitt, il veut pas transformer des gens en vampires, mais bon, il le fait parce que c'est Claudia, comme ça, il lui donnera une mère pour toujours. Ouais, voilà, comme ça, c'est bon, on l'arrêtera de se plaindre. Voilà. Pardon. Il voudra aller, comme ça, lui, pour aller avec Armand. Ouais. Il transforme Madeleine, donc cette femme, en vampire. Et tout de suite, pas de bol, ils arrivent, tous les autres vampires du théâtre des vampires débarquent, ils les prennent et ils disent « Vous êtes condamnés à mort parce que vous avez tué un autre vampire, donc jamais tué un autre vampire. » Pas bien. Parce qu'ils ont tué les stats. Oui. Et aussi parce qu'ils ont transformé Claudia quand elle était enfant et jamais transformé un vampire en enfant. On comprend parce que c'est horrible. Donc, il prend les trois. La pauvre Madeleine aussi, qui s'est retrouvée un peu... Elle a eu une vie de vampire la plus réduite au monde, je crois. Ouais, c'est un record. Trop triste, quoi. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils les séparent. Madeleine et Claudia sont mises dans un puits où il n'y a pas de protection, donc c'est la nuit. Mais quand il y aura le soleil, on comprend qu'elles mourront cuites par le soleil. Et Louis, il est mis dans un cercueil et muré vivant. Ouais. Et sera muré vivant pour l'éternité, parce qu'il ne meurt jamais, il est vampire. Ça va être chiant, ça. Donc, lui, il tape. Qu'est-ce qui se passe ? Armand, Antonio Banderas, arrive, sauve Louis, il le déterre. Louis, il va chercher les filles dans les puits, mais bon, elles sont déjà devenues... Elles sont toastées. Poussière. Et alors, lui, pour s'évanger, qu'est-ce qu'il fait ? Il met de l'essence. Maintenant, il n'y a pas l'essence. De l'alcool, on ne sait il pas trop. Ouais, oui, enfin, et il brûle tout le monde. Tout le théâtre des vampires. Et en fait, oui, il brûle le refuge. Et le jour va se lever. Donc, les vampires n'ont plus de refuge. Et ils vont tous mourir, bien vu. J'avais pas calculé. D'ailleurs, j'ai oublié un petit détail. Avant d'aller en Europe, il y a les stats qui reviennent. Bon, petit détail que j'ai peu switché. Mais bon, juste avant d'aller à Paris, il y a l'Estat qui se présente, qu'il est pas mort. Oups, c'est ce que je pensais. Donc il le voit, il est tout déforme. Et il est pas en forme. Et en fait, il a bu le sang des alligators, des crapauds, des machins. Il a repris des énergies, donc il est pas mort. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont brûlé. C'est voilà, ça. C'est petit. Oui, pour rappeler qu'en fait, Brad Pitt brûle beaucoup de choses. Oui, oui, parce qu'au passage, en brûlant la stat, en fait, il brûle toute la Nouvelle-Orléans. C'est ça. Oui, c'est vrai, tous les quartiers. Hein. Voilà. C'est le mec, vrai. Il a brûlé une plantation, brûlé Nouvelle-Orléans, brûlé Paris. Est-ce qu'on peut l'arrêter? Il faut faire quelque chose. Ouais, il est un peu... C'est un pyromane. Pyromane. C'est un vampire, ok, mais pyromane. Bon, ben, donc les stats, il était déjà mort une deuxième fois brûlé. Donc, il sait qu'en brûlant, tu as des bonnes chances de tuer des vampires. À un moment, donc, ça va quand même. Là, il brûle tous les vampires de Paris. Et Claudia est morte. Donc, c'est un peu le dernier vampire sur Terre, je me disais. Bon. Ah. Bah, s'ils étaient vraiment tous à, que à Paris. Oui, c'est vrai, parce qu'on n'en sait, sait rien. Donc, il part de Paris, il revient à la Nouvelle-Orléans, je crois, ouais. Bah, par là. Il revient aux États-Unis, en tout cas. Alors, il y a quand même, quand il, une fois qu'il a fini de brûler le truc, en fait, c'est Armand qui vient le récupérer. Parce que c'est pareil, il se retrouve dans la rue, il fait jour. Et c'est Armand qui est avec la calache. Et là, il y a Armand qui lui dit « reste avec moi ». Et, ouais. Et ouais. En fait, il dit « non, je m'en vais ». Oui, c'est vrai qu'Armand, le pauvre, il a le cœur brisé. J'ai tout brûlé. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est vrai, il est en plein soleil et Armand a un calèche avec les rideaux, fenêtres. C'est drôle. Ouais, après, c'est un peu Armand qui demande à ce qu'on brûle Claudia et Madeleine et qu'on laisse Brad Pitt emmurer quand même. Exprès pour pouvoir le récupérer. Oui, oui, c'est un peu... il n'est pas content. De toute façon, un move de mec jaloux un peu chelou. Quand même. Passif-agressif, on dit, passif-agressif, non passif-agressif, c'est ça le mot. Et comme ça, en plus, il sera l'héros parce qu'il a exactement. Sauvé ça. Putain, il est fort. Hein. Manipulateur. Mais ça ne marche pas. Parce que Brad Pitt, il dit non, et revient à la Nouvelle-Orléans. Avec toute sa volonté, tout son entrain. Donc, il a la Nouvelle-Orléans. Et qui se retrouve dans son vieux fauteuil dans un appartement? Lestat, il est allez, pas mort. Troisième. Troisième fois. Il est quand même mal en point. Ben, il n'a pas bougé depuis la dernière fois, en fait, on a l'impression. Ah oui, peut-être, ouais, j'ai même pas tilté. Oui, c'est vrai. C'est le même endroit. Ouais, bah après, tout a cramé, du coup. Bon. Bah, il doit bouffer, dès qu'il y a une mouche qui passe, il bouffe un truc, mais. Il est pas bien. Les stats demandent à Brad Pitt de rester. Et Brad Pitt, ben non, je me casse. Et en gros, on revient à l'entretien avec. Christian Slater. Le journaliste, voilà. De la radio, qui dit, mais c'est incroyable, vous avez eu une vie incroyable, je veux devenir vampire, s'il vous plaît. Et Brad Pitt a dit non, encore une fois, non, vous savez pas, la vie de vampire, c'est l'enfer, mais c'est vraiment l'affaire, vous avez rien compris à l'histoire, hein, quand même. Et sauvez-vous, dégagez, tu vois. J'ai fini mon histoire, c'est bon. Donc, Christian Slater, il repart en voiture et dit, ah, quand même, quelle histoire des ouf, machin. Il remet la cassette qu'il avait enregistrée pour écouter les paroles et qui se trouve dans la voiture. Lestat, Tom Cruise. Numéro 4, qui le mord. Et qui est vachement plus en forme. Qui a trouvé la dernière fois. Bah là, il avait récupéré une centaine d'années, ça va mieux, quoi. Ouais, ça va, il va trop bien. Il est trop content. Nickel, quoi, comme au début. Il n'a pas pris une ride. Pas pris une ride, bah, de toute façon. Et qui dit, ah, Louis est encore en train de se plaindre que je dois passer toute l'éternité avec celui-là. Ah, ça m'ennuie. donc, il dit aux journalistes, eh ben, je vous ai mordu presque à la mort. Je vous laisse le choix. Vous voulez mourir tout de suite ou devenir vampire? Le choix que je n'ai jamais eu. Très bien. Tan, tan, tan, fin du film. Voilà. Ah, c'était un peu compliqué, je me suis perdu. C'était parfait, c'était très beau. Très très bien. Bon, bah du coup, pour rester dans l'ambiance un peu, on va se faire un petit extrait. Oui. L'extrait, c'est là, en gros, c'est la première mort de Lestat. C'est glauque, donc vous allez avoir que le son. Je pense que le son, ça doit être glauque aussi. C'est méga glauque, je pense. Allez, on se fait ça, c'est parti. Donc, Claudia amène Lestat voir son cadeau. Don't be angry with me. When I saw them, I knew they were for you. Voilà, et ces deux enfants qui sont endormis côte à côte. Petits blonds. Ils sont bourrés. Lestat, il est trop touché. Oh, merci. C'est trop mignon. Il est tellement tellement gentille, ma petite fille. Tu t'es surpassé, Claudia. Il est trop content. Et oui, parce qu'ils étaient fâchés avant, il a dit c'est bon, ça y est, c'est réglé. Et elle s'occupera de se débarrasser des corps. En plus, elle est gentille, c'est cool, elle a grandi, quoi. En gros, elle met la table, elle débarrassera la table, elle fera la vaisselle. Voilà, c'est sympa. Elle regarde. Stat, il sait pas trop, là. Il y a un petit Il lui demande, tout est pardonné? Oui. Oh là, une tête de maléfique. De vilaine, maléfique. Là, la musique, tu sens qu'il va se passer un truc horrible. Ah, il mord le premier enfant. Claudia, elle regarde avec... plein de... Elle est contente. Il est content, le stat? Non. Il dit, tu lui auras donné de l'absinthe. Parce qu'il a l'impression d'être bourré, quoi. Yes. I killed them, unfortunately. Je les ai tués. But it keeps the blood warm. Elle avoue qu'elle les a empoisonnés. Oh non. You let me drink. Tu m'as fait boire. Dead. Il sent mort. Et voilà, là, il a plus de force. Du coup, il rampe. Il est terrible. Et en plus, c'est lui qui a appris à Claudia. Et ouais. Ah, c'est horrible. Hein. Elle prend les couteaux. Oh non, oh, la gorge. Ah, c'est horrible. C'est vraiment dégueulasse. Ah, c'est dégueu. Louis arrive. Oh non. Oh, et donc, dégueu. T'as Tom Cruise au sol qui est en train de se vider de son sang. Ah oui. Bah lui il écarte Claudia mais il s'est rend pas compte que c'est Claudia qui l'a fait. Il y a une énorme mare de sang qui est en train de s'étendre petit à petit et qui arrive délicatement sur les petites chaussures en satin. Trop toute mignonne de Claudia. Qui demande à Brad Pitt de le mettre soulever. En hauteur. Ah pauvre Lestat. Ah Kira. Il a resté se vidé. Décompose complètement. Il y a bientôt plus de peau à force. Ah. Et c'est caca. Dirait un squelette. Il lui dit bonne nuit, tout prince. Que des nuées de démons t'accompagnent. Ah, elle est vraiment. Elle a sa vengeance. Elle demande s'il faut le brûler ou s'il faut l'enterrer. Qu'est-ce qu'il aurait aimé? Qu'est-ce qu'il aurait préféré? Louis, il est pas content. Les marées. Ah, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Mais on s'attend pas du tout. En plus, elle avait déjà tué. Avec les seins des morts. Pourquoi elle a besoin de le gorger comme ça? Ah, mais c'est de la vengeance pure parce qu'elle lui veut. Elle lui en veut énormément. Ouais. Je pense. Je ne sais pas. Je pense que ça ne le tue pas, en fait. Ça le rend faible. C'est pour ça qu'il lui dit remets-moi dans mon cercueil. C'est pour qu'il puisse se reposer le temps de récupérer ses forces. Ah. Je pense que c'est ça. Et que le fait qu'elle l'égorge, ça le fait vider encore plus vite de son c'est sang. C'est ça. C'est pas simple de tuer un vampire, je ne crois pas. Bon. En tout cas, on a un extrait qui nous a montré finalement presque ce qu'il y a de mieux dans ce film, j'ai l'impression. Enfin, bah, on va faire le tour un peu des avis, mais je sais pas, on va commencer par Marie, ton avis sur le film. Alors, Oulala. Okay, non, je l'ai trouvé chiant en fait. Le personnage de Brad Pitt est super chiant. J'aurais bien aimé en fait qu'à un moment donné il y ait un switch où ils se prennent au jeu de tuer des humains et qu'après ils reviennent sur son truc. Oh mon Dieu, non, je ne peux pas. Là en fait, il essaie non tout le temps. Enfin, il est plat, il est d'une platitude absolue et j'ai trouvé ça très très chiant. Et après, il y a, je trouve, il est excessivement mal vieilli. Ouais, ça c'est le film. Le film a très mal vieilli. Oui. Oui, Brad Pitt a bien vieilli. Parce que j'étais un truc qui est pas mal pour la peine. Voilà. Mais non, je trouve qu'il a très très mal vieilli ce film. Et c'est. Ouais, mais par exemple, par rapport à quoi du coup tu dirais ça mal vieilli? Par rapport à l'image. Ouais, c'est l'image. Ouais. L'image. Les effets spéciaux qui étaient pas ouf. Là, pour la peine, ça fait partie de ces films où il n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux. Quand ils y sont, ils sont datés très vite, quoi. Ben les morphings, les machins, ils sont pas ouf. Hein. Oui, les morphings, ouais, c'est un peu bizarre. Après, l'image, c'est vachement Disney, quoi. Enfin, ça fait un très très décor, tu vois, très très lourd, très chargé. Quand ils sont au tout début dans le cimetière là, chez Brad Pitt, le truc, t'as l'impression que c'est une attraction Disney, tellement il y en a dans tous les sens, quoi. C'est trop. Et du coup, ça fait chargé. Ouais. Donc moi, je retiendrai deux plans. Ah, deux plans et c'est tout. C'est pas mal, deux plans. Ouais, mais c'est mieux que rien. Ah ouais, c'est mieux qu'un. Alors, c'est quoi les deux plans? Le début, parce que je trouve que c'est très, très bien fait. Au moment du générique du début, cette arrivée sur San Francisco avec un zoom sur l'appartement. Par Léo et ça arrive dans l'appartement. J'ai trouvé ce plan très, très beau. Et la fin, où on est aussi sur le pont avec Brad Pitt dans la voiture et le... Tom Cruise dans la voiture. Christian Slater et Tom Cruise. Et Christian Slater. Et la fin est ouf. Voilà. Tu te l'attends pas à la fin, c'est cool ça. Ouais. Ouais. Ouais, d'accord. Et pas du tout. Rien d'autre. Eh ben non. Bah, toi, c'est rien d'autre. D'autres trucs du coup. Non, mais je suis assez d'accord avec Marie. Je trouve que Brad Pitt, c'est vrai. Le personnage est chiant, mais aussi il joue très très mal. Oui. Et il y a aussi les trucs. Je sais même pas s'il joue en fait. Il est plat quoi. Il fait... Ouais, j'ai noté. Ouais. Brad Pitt a le niveau d'acting d'un poteau électrique. Ouais, là, en tout cas, dans ses films, c'est assez impressionnant quoi. Alors que Tom Cruise, bon, on en parlera tout à l'heure. Et bah, en tout cas, les personnages de Tom Cruise, les personnages de Claudia, ils sont beaucoup plus intéressants. Même les vampires du théâtre des vampires à Paris, ils sont un peu clichés. Oui, mais... c'est beaucoup plus intéressant que Brad Pitt, quoi. Ah, il traverse le film. Il est plat, quoi. Ouais, c'est ça, fou. C'est trop chiant. Et il ne joue pas très, très, très bien. Ouais. Et après, en effet, peut-être les images, même les goûts, c'est pas les ça fait vieillot, c'est. Un peu vieilli, ouais. Les vampires, genre, ils doivent tous s'habiller avec des colorés. C'est un peu bizarre. Ils sont tous blondinés. Je sais pas, trop chelou, les yeux bleus. Ouais, non, c'était pas... Mais bon, j'ai souffert quand même quelques scènes de plus que toi, je pense. Bah, la danse avec le mort, je trouve ça tellement drôle. C'est clair. Bah, après, le personnage de Lestat, il a un truc décalé qui est très drôle, quoi, du coup. Il est trop drôle. Ou quand il se bagarre aussi et que les stats, il rigole. Après les caniches. Ouais, après les caniches. Le coup des caniches, c'est drôle, ça. C'est quand même le rapport, je le trouve. Et même le rapport à la parentalité, du coup, avec la fille, je le trouve rigolo quand même. Ah non, mais après, il y a des choses. Il y a des choses intéressantes. Mais par exemple, moi, je trouve hyper intéressant, justement, les personnages de Lestat et de Claudia. Ouais. C'est tout le reste, en fait, qui va pas. Ah oui, enfin, parce que quand on part de la platitude de Brad Pitt, parlons-en de la platitude d'Antonio Banderas aussi, quand même. Ah ouais, quel catin, hein. Oui, c'est vrai. Franchement, le meilleur, à partir de Paris, le meilleur, c'est le mime, en fait, qu'on voit deux minutes. Le mime Marceau. Ce qui a été rebaptisé par Marie, le mime Marceau. Le mime Marceau, ouais. Après, c'est la catin, hein. C'est clair que... Ouais. Oui. Ah ouais, Paris, ça m'a pas dérangé plus que ça, mais je suis pas française. Ouais, bah, c'est pas tant que c'est Paris, c'est juste que il se passe plus grand chose en fait. Ça devient très chiant en fait à partir de Paris. Mais je trouve ça drôle qu'ils fassent du théâtre. Non, oui, c'est après il y a des trucs qui sont marrants. Tout le spectacle, il est génial quand même. Tu vois un peu le spectacle d'époque, je sais pas. Bon, bref, mais oui, c'est sûr qu'en termes de plan, de mise en scène, de réalisation, il y a pas grand chose. Tu dis bon. J'ai pas vu. Ouais, ils ont tout mis dans la déco. Oui, clairement, et dans les perruques. C'est déco, perruques, maquillage, et on met tout là-dedans. Quoi. Oui, c'est vrai. Et le taffetas. Et les taffetas, mais bien sûr. Je sais que les vampires aiment les choses des riches. C'est bien ça. Aïe. Et ouais. Et toi, Pauline, du coup? Moi, un peu comme vous. Hein. Je trouve qu'à partir du moment où il y a. C'est con, en fait, ça fait un peu cliché, mais à partir du moment où il n'y a plus Tom Cruise, en fait, ça devient moins intéressant. Parce que... C'est le personnage le plus intéressant avec suite Kirsten Dunst, du coup. Donc, du coup, quand il y a les deux, c'est vraiment les meilleurs moments, parce qu'ils ont leur antagonisme. Et après, quand il n'y en a plus, dès qu'il n'y a plus Tom Cruise, ça devient chiant. Jusqu'à la dernière scène où il revient. Et la dernière scène, elle est meilleure. Je pense que moi, elle m'a sauvé le film, en fait. Parce que du coup, je me suis inventé un autre truc. C'est quoi, qui était très intéressant. J'ai une théorie, du coup, c'est qu'en fait, la fin, donc où Tom Cruise remonte dans la voiture et bouffe Christian Slater, en fait, c'est depuis le début, Brad Pitt et Tom Cruise, ils sont de mèche, ils ont toujours bossé ensemble. Ah et en fait, Brad Pitt, c'est le rabatteur, tu vois. Pas et mal. Donc, il raconte des bobards et tout, machin, il fait confiance aux gens pour qu'ensuite, Tom Cruise, paf, il les bouffe. C'est leur enjeu, parce qu'en fait, ça fait des millénaires qu'ils existent, donc ils s'amusent comme ça. Et qu'en fait, toute l'histoire qu'a raconté Brad Pitt, elle existe pas, elle est romancée, elle existe pas comme ça. Ah. C'est juste pour que le mec, il ait envie de devenir vampire et que là, Tom Cruise, il le mange et que ça lui fasse trop du bien. Voilà, c'était une théorie. Ouais. Et du coup, juste avec cette dernière scène, je me suis dit ça m'a fait mieux aimer le film. Vachement plus intéressant. Mais bon, ça veut dire que tu dis que tout ce qu'il y avait avant, ça valait pas le coup. Oui, en plus. Mais c'est une théorie. Hein. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Je sais pas après comment c'était prévu par Anne Rice, la scénariste et l'écrivaine Elle était scénariste du film aussi. Elle a écrit, ouais, elle oui. a écrit le script. Ouais. Le script, ouais. Après, qui a dû être adapté au cinéma, mais c'est elle qui a fait le script. Ouais. Sacré truc, quand même. Mais après, non, il y a des trucs marrants, ce qu'on disait, hein, sur l'homoparentalité, quand même, qui à l'époque n'était pas forcément. Ouais. Même sur les relations un peu. Tu vois, c'est des relations érotico-tueurs. Tu sens qu'il y a plein d'enjeux entre tous ces vampires, hommes, femmes, où il y a des enjeux d'affect, d'amour. On ne sait jamais. C'est intéressant, quand même. Bah ouais. Et puis, en plus, c'était le début de la nouvelle vague du vampire, quoi. Jusqu'ici, les vampires, il n'y avait plus grand-chose, jusqu'à le film de Coppola, qui est dans les débuts 90. 92. Oh, 2 ans plus tôt. Ouais. Je pense que oui, c'est le film de Coppola qui a relancé le truc des vampires. Ouais, parce qu'il n'y avait vraiment plus grand-chose, quoi. Pendant les années 80, il n'y a pas grand-chose en termes de vampires, en tout cas de marquant. Moins. Ouais. Et là, ça relance le truc. Les vampires, c'était un truc un peu plus des années 30, 40, 20, 30, 40, quoi. Bah, il y a eu période années 30 avec Bela Lugosi. Ouais, à fond. Après, ça a été plus les années 50, fin des années 50 avec Christopher Lee. Ah ouais. Ça a été Bela Lugosi, Christopher Lee, c'est quand même deux interprètes sur Dracula. Dracula, ouais. Ouais. Et après, ouais, ça s'est un peu calmé et ça revient, ouais, effectivement. Et après, les années 90, c'est Buffy, hein. Et oui. Et oui, Marie, vas-y, parce que moi, je ne connais pas tant que ça. Je crois que je l'ai vu Buffy. Je l'ai vu, mais elle a des trucs avec les vampires. Ouais, c'est ça. C'est la chasseuse des vampires. Ouais. Ah, voilà. Et ce n'était pas surnaturel en général, c'était vraiment vampire. Si. Alors, tu as d'autres trucs, et alors apparemment, parce que ça fait longtemps que je les ai vus, mais on l'évacue maintenant, mais si vous n'avez jamais vu Buffy contre les vampires, je conseille la série, hein, pas le film. Parce que du coup, il y a eu un film quelques années avant la série, on oublie. Série, c'est bien. Mais du coup, les premières saisons de Buffy sont très axées sur les vampires. Et ce côté combat contre les vampires s'efface petit à petit devant d'autres types de démons, tout ça. Mais, ouais, c'est très bien. Et d'ailleurs, elle n'a pas une histoire avec un vampire à un moment? Si. Ah ben voilà, c'est ça que je me rappelle. Avec plusieurs même. Oh, sans spoiler. Ma fille. Alors, quelle femme moderne. Finalement, j'ai l'impression qu'elle chasse pas beaucoup les vampires. Non, ou alors pas dans le sens auquel on pense. D'accord, ok. Buffy, et c'est 90. 97. Ah ouais, voilà. Ouais, c'est vraiment la période après, de... 97, ouais. Et du coup, après, il y a tout... toute la nouvelle vague avec les autres séries. True Blood, Vampire Diaries... La série Twilight. Ah ouais. On peut, enfin voilà. Ouais, c'est ça. Et puis après maintenant, je pense que t'as plus, mais là, au moins 2 séries de vampires par an, quoi. Et des films de vampires, on a tout le temps maintenant. C'est fou ça, c'est vrai. C'est vrai. Twilight aussi, j'avais même pas. Après, ce que disait Marie aussi, c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est pas les mêmes types de vampires que Dracula. C'est pas la même mythologie de vampires. Est-ce que Marie, tu peux nous en parler un peu? Trop intéressant. Ça fait vraiment. Bonjour, on est sur France Culture aujourd'hui. Alors, le vampirisme. Non, parce que du coup, c'est en fait. On peut dire qu'il y aurait 2 figures. Il y a 2 courants du vampire. Okay. Non, il y a la figure du vampire, en fait, tu as celle de Bram Stoker, donc qui a écrit Dracula en 1897. Wow. Donc ça, c'est inspiré par Vlad Tepes l'Empaleur, donc le seigneur des Carpates, qui était catholique et qui a lutté contre les Ottomans, où il y a toute une légende, d'ailleurs, qui pourrait être remise en question, parce que je me souviens qu'on a écouté un podcast récemment qui revenait beaucoup aussi sur cette mythologie-là. Mais bon. Oh. Et du coup, t'as... Vas-y, oui. Anne Rice, donc, là, qui a écrit Entretien avec un vampire en 1976. Elle l'a écrit. Ouais. Ensuite, de là, ont découlé d'autres bouquins. C'est sa Chronique des vampires. Elle a fait aussi des bouquins Chronique des sorcières, donc toujours avec la Nouvelle-Orléans en toile de fond. Okay. Et elle, en fait, elle partirait plutôt de la mythologie égyptienne. Ce qu'on retrouve, du coup, dans Entretien avec un vampire, oui. Quand Claudia et Louis partent en Égypte sur les traces de leurs ancêtres. Donc voilà. Intéressant. Et du coup, c'est quoi les trucs égyptiens? C'est quand même. Alors, ça partirait de Isis et Osiris, qui auraient été des noms morts à un moment donné. Ah. Voilà. Alors, je me souviens plus exactement les trucs, mais du coup, ça serait plus là. Parce D'accord. que la figure du vampire apparaît dans toutes les cultures. Le mangeur de sang, le mangeur de chair. Ouais. Et le buveur de sang, mais avec toute la, comment on dit, autour du sang, enfin voilà, qui apporte la vie, la symbolique. Merci. Avec voilà. Plaisir. Ah oui. C'est fou ça. Non, mais c'est fou que ça existe dans toutes les cultures. Je savais pas du tout. Oui, après, c'est vrai qu'en Europe, c'est surtout l'image de Dracula quoi qui a été vachement véhiculée. En Europe, du coup, l'image du vampire s'est développée au XVIIIe siècle. Quand même. Voilà, avec tous les écrits. Donc il y a eu Bram Stoker, hein, mais juste avant lui, il y avait John Polidori, je crois. Je ne connais pas. Il a écrit un bouquin sur... Sur le même le gars... vampire. Ah non, sur un vampire. Il se serait inspiré de Lord Byron. Sérieux ? Dont il était le médecin. Oh, je vous laisse creuser. Mais c'est trop intéressant. Trop d'infos dans ce podcast. Mais c'est génial, hein, c'est l'action magistralis. Trop bien. Et alors, juste pour revenir, si je peux me permettre, tu sais, tous les trucs, l'ail, les miroirs, tout ça, en fait, oui. Tous ces trucs-là, en fait, ça a été développé par le cinéma. Ah. Donc, le soleil ne tue pas les vampires. Non. C'est quoi qui tue les vampires ? Il leur fait... Alors, ça, je sais pas, il y a plusieurs trucs selon les cultures et tout ça, mais juste l'idée que le soleil tue les vampires, ça daterait de la version Nosferatu, le vampire de Murnau. Ah, d'accord. Donc, c'est pour pouvoir faire des jolis clairs obscurs, pardon. Peut-être. Ouais, c'est pas mais bête, du ça. Coup, alors ça les affaiblit, mais ça les tuerait pas. Et d'ailleurs, on le voit dans le Bram, dans le Dracula de Bram Stoker, Gary Oldman, il se balade dans la rue sans problème. Voilà. Mais c'est vrai que cette histoire qu'ils doivent sortir quelle nuit, c'est trop triste. Dans les films, il y a une super belle image quand Brad Pitt et Claudia, ils arrivent en Europe, qui dit « Ah, la Méditerranée, je m'attendais de voir l'étendue bleue. » Et, oui. Et en fait, c'était la nuit, donc c'était tout noir. Mais c'est ça, c'est vrai qu'effectivement, le truc, c'est une idée hyper intéressante pour le cinéma, pour le bouquin vachement moins. Mais pour le cinéma, tu te dis c'est cool, c'est-à-dire que tout le film, il va être de nuit. Sombre, donc tu mets une ambiance, c'est vachement intéressant. Et c'est pas con, du coup, effectivement, c'est cool. Encore faut-il que l'ambiance soit bien faite. Oui. Ouais. D'accord. Mais à l'époque, ça cartonnait. Hein. Ça, pour la peine des critiques, ils disaient vraiment que c'était hyper reconnu. Bah, ceci dit, s'il n'y avait pas tant de références que ça au vampire avant, elle a quand même relancé une nouvelle vague du vampire moderne aussi. Ouais. Parce que ça aussi, elle l'a mis vraiment dans le présent. Oui. Franchement, au début, tu dis entretien avec un vampire, tu vois, San Francisco, là, tous les gens qui attendent leur bus. Oui. Là, mais quoi ouais, bah, au final, on est quand même au 18e. Oui. Mais quand même, elle essaie de. J'ai l'impression qu'elle essaie de renouveler un peu l'image, non ? Même les trucs du ouais, des l'ail, quand elle dit tout ça au début, oui. Ah, mais ça, c'est qui est du. Pff, c'est de la. C'est faux. C'est du folklore. Ouais. Mm-hmm. Et j'ai l'impression qu'elle essaie de rendre l'image plus jeune. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. De rajeunir le ouais, vampire. Ouais. Vampires, c'est vrai. Ouais. Bah, c'est ce qu'ils font après avec Twilight. Ils ont refait. C'était le même principe. Hein. Voilà. C'est réécrire en enlevant un petit peu les pouvoirs, les machins, pour faire un truc plus moderne. Ah non, ils ont des pouvoirs des ouf malades quand même. Oui, mais c'est plus les mêmes, tu vois. C'est plus les mêmes trucs. Ils réagissent pas pareil à la lumière, à machin et tout ça. Oui. Tu recadres à chaque fois. C'est souple finalement, le vampire. J'ai l'impression. Complètement. Très intéressant, Marie. Trop bien. Alors, moi, je voudrais revenir avant de passer à la suite sur Brad Pitt, parce qu'il y a quand même eu plein de problèmes avec Brad Pitt sur ce film. Ah ouais ? Ouais. Ah, intéressant. Rago ! Ouais, là, c'est l'heure d'un Rago. On a parlé des problèmes avec Brad Pitt. Parlons maintenant des problèmes avec Tom Cruise. Non, pas de problème avec Tom Cruise. Non, Brad Pitt, du coup, il se faisait chier sur le tournage. En fait, ça l'énervait. Il aimait pas son rôle. Il trouvait que c'était nul. Ah bah ouais, c'était comprends. Ennuyeux, etc. Bah après, on pourrait en débattre. Mais et du coup, il a été voir le producteur David Geffen. Il lui a dit, bon, c'est nul. Franchement, je me casse. Et David Geffen lui a dit, bah ok, si tu te casses, ça te coûte 40 millions. Il a fait, ouais, ok, bah, je continue. Je reste. Je vais le faire, le film. Voilà. Donc, en fait, pour toi. Il s'ennuyait, enfin, c'était merdique. Il trouvait qu'il avait rien à jouer, que c'était pas intéressant, etc. Du coup, après, en regardant, apparemment, dans le bouquin, le rôle n'est pas écrit tout à fait pareil. Il est beaucoup moins mélancolique, il est beaucoup plus actif, on va dire. Et bon, tu te dis quand même, Brad Pitt aurait pu sortir les doigts et faire quelque chose, quoi. Là, il fait rien, ça ajoute pas, quoi. Ouais, mais il sait pas jouer. Il a pas grand chose à jouer, mais il le joue même pas, quoi. Ouais. Ouais, mais quand t'as rien à jouer, c'est faut essayer d'un peu... Et après, ils s'entendaient pas bien. Alors, ils s'entendaient pas bien avec Tom Cruise parce que Tom Cruise a dit qu'après moi, il y avait des gros problèmes d'hygiène sur Brad Pitt. Ah, mais non, non, mais c'est. Et c'est pas. Non, mais ça... Ok, donc Tom Cruise, il dit qu'il était un peu gêné par l'hygiène corporelle de Brad Pitt. Ok, bon. C'est fou ça. Et cette histoire revient parce que Kirsten Dunst, plus tard, du coup. Elle expliquera que le moment du baiser avec Brad Pitt était hyper gênant et très problématique, parce qu'elle n'avait pas été préparée, etc. Et qu'en plus, Brad Pitt avait des poux. Non, mais sérieux ? Je te jure. Arrête, ça c'est n'importe quoi. C'est des interviews de Kirsten Dunst qui racontait ça. Et qu'en plus, elle était très très embarrassée par ce baiser, que c'était très bizarre. Ah bah non, mais tu m'étonnes. Mais ces personnages, on en parlait un peu avec Marie avant de commencer, mais ces personnages de la gamine là, c'est un peu perturbateur parce que tu te dis, bon, dans les films, elle a 30 ans, elle a 100 ans, ça va. Mais en fait, vrai... c'est une gamine et c'est tendu quoi. Et elle a pas vu le film hein, quand il est sorti. Elle a ses parents m'étonnes. Ont dit, bah non, tu vas pas le voir, t'as pas l'âge en fait. Parce qu'il était moins de 13 ans. Et elle avait 10 ans. Du coup, il la laisse le jouer, mais pas le voir. Non, mais c'est horrible. Après, ça doit être moins traumatisant à jouer qu'à voir. Ouais, enfin, c'est traumatisant dans le sens où il faut que tu te mettes dans ce personnage-là. Mais bon, tu sais que tout est faux, c'est pas pareil. Ouais, mais bon, quand même, elle devait jouer des ambiguïtés avec les deux là, que c'est des adultes, c'est méga chaud. Tous les scènes avec les sangs, les machins, les trucs, c'est méga chaud. Ouais, franchement, puis elle c'est avait pas encore, elle avait déjà fait quelques films, Kirsten Dunst, mais pas encore 20 000 non plus. T'es pas suffisamment à l'aise. Et puis c'était pas une époque, je pense, où ils préparaient si bien que ça les jeunes acteurs. Hein, parce que c'est la période où les jeunes acteurs justement ils finissent tous dans le crack. Genre Macaulay Culkin, tout ça, quoi. Ouais. D'ailleurs, alors je sais plus comment il est mort ce jeune homme, mais le film est dédié à River Phoenix. Oui. Ah oui, qui est mort en 93 et qui devait jouer le rôle de Christian Slater, du journaliste. Ouais. Et Christian Slater, River du coup, Phoenix. a donné son cachet aux œuvres de charité de River Phoenix. Oh, ça m'a fait chialer. River Phoenix, il est pas mort d'une overdose, un truc comme ça, c'était pas ça. C'est possible. Il est un peu horrible. Ouais. Et voilà. Bref. Soit suicide, soit drogue. Mais en tout cas, c'est le frère de Joaquin Phoenix. Et oui. D'où le nom. C'est fou. C'est marrant ça. Ouais, non, mais ça il y a des coïncidences dans la vie. Et du coup, à part l'hygiène corporelle de c'est Brad Pitt. À un moment. Ça. Ouais, non, mais je l'ai lu, je comprenais pas. Et puis de lire, en fait, le témoignage de Tom Cruise et le témoignage de Kirsten Dunst, tu dis merde alors. Il y avait vraiment. Des corrélations. Donc bizarre. Ouais. Vous en faites ce que vous voulez. Après, il y a eu un moment dans l'écriture du scénario. Le scénario a fait pas mal d'allers-retours, etc. Ils essayaient de réadapter le bouquin. Et il y a un moment, ils se sont dit, bah Louis, en fait, on va mettre une femme à la place. Ah ! Et du coup, ils ont pensé. Alors, du coup, imaginons, tu es dans les années 90. Jodie tu cherches une actrice pour faire une vampire. Jodie Foster. Ah ouais, t'aurais pris Jodie Foster. Marie, t'aurais pris qui ? C'est pas facile. Hein. Ouais. Non. Gwyneth Paltrow. Je sais non, pas. Ça fait pas non. Très vampire. Kate Blanchett, c'était pas mal comme vampire. Hein eh ben, ils avaient pensé à Angelica Houston et à Cher. Trop bien. Bah ouais, mais. Et Cher, c'est trop la tête d'un vampire. Ouais, trop bien, Cher. Ouais. Pourquoi c'est les sorcières d'Eastwick, non hein elle a joué Cher dans les sorcières d'Eastwick. Oui, c'est un peu facile, moi, je trouve. Et puis Angelica Houston, c'est Famille Adams et tout ça. Enfin, mais bon, elles ont les physiques, elles savent le jouer en plus, elles ont du charisme pour ça. Plus que Brad Pitt. Ah, bah c'est sûr. Ça, de toute façon. Et du coup, Brad Pitt, bah grâce à Brad Pitt, Tom Cruise a eu un prix. Il a eu un Razzie Award. Le Razzie Award du pire couple à l'écran. Non. C'est le couple Tom Cruise-Brad Pitt. Et c'est vrai que t'en as un qui fait des efforts et l'autre qui en a rien à foutre. Donc forcément, ça marche pas. Et ouais. Et ça, c'est dur. Hein. Ah ouais, c'est trop drôle. Mais d'ailleurs, je me demande si dans Twilight. Tu vois les films là, la trilogie sur les vampires modernes là, qui est tout pété, il n'y a pas eu des histoires comme quoi le comédien il avait des problèmes d'hygiène. Ah oui, sur Twilight aussi. Je pense qu'il y avait eu un truc comme ça. C'est ça un truc de vampire en fait. Ouais, voilà, je pense que quand tu dois rentrer dans la peau d'un vampire. Ben non, attends, le vampire il est soigné, il prend soin de lui quand même. Rigole. Non, je sais pas. Pardon, l'expert. C'est vrai, il est soigné. Mais bon. Tous ces problèmes d'hygiène ne nous regardent pas. Non, ça ne nous regarde pas. Ce qui nous regarde, c'est qu'au final, il joue comme une patate. Ouais. Ça, c'est un problème. Alors, hygiène ou pas, peut-être qu'il fallait qu'il prenne une bonne douche pour être mieux, tu vois, se sentir un peu plus tonique. C'est peut-être ça qui manque. Petite douche fraîche. Là, froide. Et là, bam, tu viens, tu joues. Et il serait meilleur que n'importe qui. Ouais. Bon. Et il prend Antonio Banderas aussi, parce qu'il n'est pas... Et pas fameux. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur le film ou est-ce qu'on parle des Oscars? Pour moi, c'est bon, je pense. Oscar time. C'est Oscar time. C'est Oscar time. And the Oscar goes. And the Oscar goes. And the Oscar goes. And the Oscar goes. Les Oscars. Cette magnifique statuette en or que Tom Cruise n'a pas. Mais que plein d'autres gens ont. Et sur ce film, il y a des gens qui en ont. Alors qui a un Oscar? Bah, Brad Pitt, il vient de le gagner. Bah, Brad Pitt, oui. Brad Pitt, il a deux Oscars. Ouais, il a deux Oscars. Il gagne. Il a eu dans Once Upon a Time in America. Hollywood. Oui. In America. Pas sur Entretien avec un Vampire. Non. Parce que avant ou après les films ou pendant les films. Okay. Les gens qui l'ont autour de. Brad Pitt, il a eu quelques nominations, mais il a eu du coup Once Upon a Time. Et il est en tant que producteur pour 12 Years a Slave. Ah, d'accord, ok. Kirsten Dunst, elle en a pas eu? Ben non, j'ai regardé, elle n'en a pas eu. Oh, trop nul. J'ai regardé même à Cannes, elle a rien eu. Ah bon? Ouais. J'ai vu qu'elle avait la palme à Cannes, non? Bah, le film a eu la palme, mais pas elle. Ah, mais pas elle. Ok. Bon. Ouais, c'est triste. Elle a rien eu. Parce que là, pour la peine, Kirsten Dunst. Moi, je me suis noté à un moment, Kirsten au metteur, 100%. Ah, bah oui, non, mais elle est trop. Parce qu'en fait, il n'y a pas photo. Ouais, elle est trop forte. Un jour, on fera un podcast sur Kirsten Dunst pour la réhabiliter. Ah, Banderas, il a eu un Oscar? Non, je crois pas. Je pense pas. J'ai pas vérifié, mais. Alors, le réalisateur a eu un Oscar. Neil Jordan. Ouais. Pour The Crying Game, de un an avant. Et je pense que c'est peut-être pour ça. The Crying Game, c'est un film irlandais. Parce qu'il est irlandais. Eh ben, dis donc. Il a eu une nomination. Ah non, il l'a eu pour le scénario. Et il a été nommé pour le meilleur film. Eh ben. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont embauché sur Entretien. Ouais, c'était la star. C'était le mec, tu te dis, ah, il vient d'avoir une nomination aux Oscars. Ok. Qui d'autre? Il y a eu deux autres personnes qui ont eu un Oscar déjà dans ce film. Personne comédien? Non. Ah, ok. Musique. Ouais, la musique. Voilà. Elliot Goldenthal a eu un Oscar pour Frida. Ah, trop bien, Frida. Bon. Et un dernier. Qui avait un Oscar pour le film Au milieu coule une rivière. Et Au milieu coule une rivière. Bon, c'est pas la photo. C'est la photo. Non. Et oui. Et c'est Philippe Rousselot. Voilà. Mais non, sérieux. Le chef-op français. Ouais, et il l'a eu après ou avant? Au milieu coule une rivière, c'était après. Ah, ok, ça marche. Bon, il a appris de ses erreurs. Mais par contre. Il y a eu une nomination. Il y a eu deux nominations pour sur ce film. La photo? Non. Pas la photo. Tom Cruise? Non. Ah bah non. Tom Cruise, malheureusement. Les gens ne comprennent pas, tu sais. Les Oscars sont cons. Ouais. Le scénario? Non. Le scénario? Bah, je ne sais pas, peut-être un Rice, tu sais. Ouais, parce non, non, non. Là, il y a non, eu la musique. Oh! Que pas. Non, pas ouf. Beaucoup de clavecin. Ouais. Peut-être un chouïa trop. Mais... Et les décors? Ah ben ça, l'équipe déco. Mais je te dis, vraiment, parce que tu lis les commentaires, enfin, tu sais, les critiques de l'époque, tout le monde était là à dire, ah ouais, c'est grandiose, c'est magistral, ça donne vraiment une ambiance glauque et tout, nanana. Et nous, ça. Ça nous maintenant, touche. Maintenant, c'est plus les mêmes référents, je pense. Ouais. Tu vois plus la même chose. Mais après, ce qui nous intéresse aussi, c'est les sous-sous. Dans la... Ouais, les sous-sous. Il a coûté combien? Il a coûté 60 millions de dollars. 60 millions, c'est pas mal. C'est pas mal à l'époque. Après, c'est une bonne moyenne haute, quoi. Je pense que Brad Pitt, déjà, il se faisait payer pas mal, non? Ouais, je sais pas s'il était déjà très payé. Ouais. Mais bon, c'est un bon budget de blockbuster, quand même, à l'époque. Il en a rapporté. Il en a rapporté pas mal. Il en a rapporté, d'après vous? 200 et quelques. Ouais, 224 millions. Ah ouais. Non, il a bien marché. Ça a bien marché. D'accord. Après, ce qu'on dit à chaque fois, les années 90, Tom Cruise, c'est 200 millions quasi assurés. Et Tom Cruise, du coup, il a gagné dessus 15 millions de dollars. Allez, bim-poum. Bonjour. Là, il faudra faire les cumuls de tous ces millions qu'il a gagnés. Déjà, au point de sa carrière, là, il est... Là, ça va. Donc, il y a 15 millions pour ça. Du coup, ça nous fait glisser gentiment vers Tom Cruise. Parce que maintenant, on peut en parler. Ouais. Le Tom, qu'est-ce qui... Le Marie, Cruise, quoi. Vas-y, commence. Allez, Marie, ouvre les danses. Qu'est-ce que tu as pensé des Tom Tom? Alors, heureusement qu'il est dans le film. Ça nous fait plaisir. J'allais te rappeler que tu étais sur un podcast sur Tom Cruise, donc il faut dire du. Non, mais après, voilà, je vais pas. nier la présence de Tom Cruise dans ce film. Heureusement qu'il est là, que son personnage est bien écrit, ouais. Je trouve. Super. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. C'est pour moi, il y a deux personnages à retenir. Ouais. C'est celui de Claudia avec Kirsten Dunst et Lestat avec Tom Cruise. Il apporte un petit grain de folie dans toute cette chiantitude. Donc voilà, c'est bien qu'il soit là. Voilà. C'est lui qui met tout le rythme, qui met toutes les intentions, et c'est lui qui déclenche toutes les actions en fait quand il pense. Mmh. C'est lui qui transforme Louis, c'est lui qui transforme Claudia. Mais après, c'est le vrai héros d'Anne Rice. Hein, c'est ça. En vrai. Oui. Ouais. Mais de toutes les chroniques du vampire, c'est Lestat. C'est Lestat qui reste tout le temps. Ouais. Je ne sais pas si Louis il y est dans d'autres, mais en tout cas, il y a eu donc Entretien avec un vampire. Il y a Lestat le vampire, un bouquin vraiment sur lui. Sur lui. Il y a la Reine des damnés, où il y a Lestat dedans. La Reine des damnés qui a été adaptée ensuite en film, un film apparemment assez moyen avec Alia, chanteuse de R&B. Enfin, ah bon. Ouais, truc un peu chelou où Anne Rice aussi a écrit le truc et bon, et elle s'est aussi enflammée. Mais apparemment Anne Rice c'est quelqu'un qui s'enflamme beaucoup dans la vie. Ah oui. Ouais. D'accord. Parce que du coup, l'anecdote qui est connue, c'est que Anne Rice, quand elle a appris que c'était Tom Cruise qui allait jouer Lestat, elle a crié au scandale. Elle a dit mais non, s'il vous plaît, ça ne va pas être possible. Lui. Ça ne sera jamais un bon Lestat. Elle y croyait pas. Elle a dit c'est impossible, etc. Et vraiment, elle lui a pas chié dessus, mais pas loin, quoi. D'accord. Et finalement, elle a vu le film. Elle était ravie, contente du film. Et elle a envoyé une lettre d'excuse à Tom Cruise pour lui dire qu'il était fabuleux et que c'était super. Oh, et donc, toujours dans l'excès, donc Anne Rice a pris une double page dans deux magazines très connus aux États-Unis pour remercier toute l'équipe parce qu'ils ont fait un chef-d'œuvre. Enfin, ah oui, d'accord. Oui, c'est une dame a priori très. Passionnelle. Entière, voilà. Over the top. Quoi. Je peux comprendre parce que tu écris un personnage comme ça et tu vois Tom Cruise, qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à là. Tu dis, mais non, mais jamais de la vie, il va faire le méchant, entre guillemets, le mec hyper charismatique, mais quand même qui flirte avec le. C'était pas un méchant, Tom Cruise. Non, ça n'a jamais été un méchant. Mais après, si tu as regardé, comme nous l'avons fait toute sa filmo, tu vois qu'il peut avoir ces trucs un peu border, quoi. Oui, mais je me dis peut-être qu'elle n'avait pas vu toute sa filmo. Oui, elle avait vu que Cocktail, c'est mal barré. Il était connu quand même pour Top Gun, Risky Business. Il avait déjà après, le truc qu'il apporte sur le personnage de Lestat, tu ressens quand même à des moments de l'attachement pour lui. Oui. Avec son rapport avec Claudia, tu sens qu'il a de l'amour. Et du coup, il y a cette ambivalence sur le personnage où il fait que de la merde, mais il le fait parce qu'il a des sentiments, quelque part. C'est vachement une histoire de référent, en fait. C'est que pour Lestat, en fait, il vivre comme un vampire, c'est vivre comme ça, en fait. Et effectivement, pour un humain, c'est inconcevable, mais pour lui, c'est tout à fait normal et logique. Et du coup, il a ce truc-là. Et il est effectivement avec des jeunes vampires qui ne comprennent pas forcément ce truc-là. Eh oui. Et tu peux plus vivre comme un humain puisque et lui c'est ce qu'il dit, c'est que personne lui a jamais appris, en gros il a été transformé il y a longtemps et personne lui a jamais appris, donc c'est lui qui s'est inventé les codes dans lesquels il vit le mieux possible sa condition d'immortel, quoi. Ouais. Et d'ailleurs est-ce qu'on est d'accord, enfin vous avez compris ça, est-ce que ce serait pas Armand qui aurait transformé Lestat? C'est pas sûr. C'est pas sûr 100%. Parce que si c'est le cas dans ces cas-là, ils l'ont pas du tout exploité, ce qui est bizarre. Ouais. Je me suis posé la question en fait. Après, il a dit à un moment qu'il était à Paris, Lestat, qu'il est devenu vampire à Paris. Oui, c'est mais, ça. Mais on ne sait pas. Moi, j'ai l'impression qu'Armand, il a été lui-même créé par un autre vampire qui a créé Lestat aussi. Tu vois, c'est son demi-frère. Méchant, gentil, méchant. Mais apparemment, dans le bouquin, Armand, en plus, il a 5 ans quand il est transformé. Ah ouais? Ouais. Donc il a 5 ans. Il a pas 15 ans. Il a pas 5 ans, mais il est très très jeune en fait. Pas du tout. Il a pas l'âge. C'est un jeune et faible. D'accord. Okay. 5-10 ans, tout comme ça. Et d'ailleurs, je me demandais si à chaque fois c'est un vampire qui était transformé en vampire. Oui. Le premier vampire. Le vampire originel. Qui a transformé? Comment ça se fait? mais comment ça se fait? Oui. Je sais pas. Faut que tu lises tous les bouquins d'Anne Rice. Ah, on va se regarder pour la déconne. On se regardera la Reine des damnés. Ah mais grave. Ouais, je pense que ça a l'air horrible. Et là, je crois que c'est sur les trucs égyptiens justement. Je crois que c'est sur cette partie-là. C'est possible. Bon bref, tout ça pour dire Tom. Tom. Donc voilà. C'est magique. Je pense que Mais tu vois, on disait, ça fait un moment qu'on dit ah, quand est-ce qu'il fait le méchant, quand est-ce qu'il fait le méchant, en gardant ses, en lâchant les chevaux, quoi. Bah, tu vois qu'en fait, il est capable largement, quoi. Ah, il est trop fort. Mais même, je trouve qu'il est fort parce qu'il garde quand même le ridicule du méchant. C'est pas un vrai méchant. Non. Non, mais il a un truc non moraliste, disons, par rapport à la mort. Il s'amuse à tuer les humains, tu vois, il y a un truc non moraliste. Et en effet, c'est pas complètement méchant. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il est pas, il est hyper ridicule. Ouais. Il a un rire trop débile. Il se prend au jeu d'être ridicule lui-même dans sa méchanceté. Oui. C'est ce qui fait qu'il est attachant aussi. Oui, mais ça, après, sans plonger non plus, sans faire le bouffon, quoi. Sans faire les bouffons. Juste montrer l'absurdité du fait d'être un vampire. En fait, c'est qu'il y a un moment, forcément, c'est absurde de vivre comme ça en étant immortel, en tournant des gens. C'est un jeu et c'est chouette, quoi. Et à un moment, il le dit même à lui, tu sais, Dieu, il tue tout le temps. Tu vois, les mâles est relatif. Regarde Dieu, il tue tout le temps. Et nous, on est les créatures les plus proches des dieux, donc on peut tuer aussi. Tu vois. Très bif pouf. Ah, c'est un philosophe. C'est un philosophe. Il a beaucoup réfléchi. Alors, anecdote absolument horrible que j'ai eue. Enfin, horrible. Oh non. Non, pas forcément horrible, mais Anne Rice, avant le film, elle a rencontré Tom Hanks pour qu'il joue Lestat. Mais je non. Je vous laisse imaginer ce film où il y a donc Brad Pitt qui fait une huître et où il y a Tom Hanks qui fait Lestat. Je pense que ce film, c'est cata. Ah, parce que toi, t'aimes pas Tom Hanks. Non, mais tu vois peut-être faire un vampire, Tom Hanks. Non, pas méchant, en tout cas. Il a trop le visage du gentil, mais... Et du coup, à la place, il a fait Forrest Gump. Donc, grand bien lui fasse. Oui. C'était bien. Mais ouais. Et après, du coup, il y a eu d'autres personnes qui ont été pressenties pour faire Lestat. Il y a eu Daniel Day-Lewis, le voleur d'Oscar. Les voleurs d'Oscar. L'appelle. Oh non. Il les mérite. Hein. Oui, il les mérite. Il les mérite. Il aurait été très bon dans un truc comme ça. Oui, c'est vrai qu'il aurait été bon. Mais peut-être les films, il n'était pas à la hauteur de ce qu'il pouvait faire. Quand peut-être même. Que lui, oui. Et puis surtout, il n'en fait pas 20 000 des films Daniel Day-Lewis. Non. Et après, lui, du coup, c'était Johnny Depp qui était pressenti. Ah, ouais. Ça, ouais là, non, là, pour moi, ça ne marche pas. Ben, ça aurait pu être casse-gueule, parce que s'il nous fait un truc à la Pirates des Caraïbes, là, t'es mal, quoi. Là, il est capable d'en faire des caisses, Johnny Depp. Hein. Il a pas trop de. Il a un curseur qui est un peu soit au max, soit au max. Hein. C'est vrai. Et au final, c'est Tom Cruise, donc tout va bien. On est sauvé. Eh, bravo, Tom. Et ça nous réconcilie. Enfin, moi, ça me réconcilie avec Tom Cruise dans un film fantastique. Mais oui. Mais parce que là, il a un vrai rôle aussi. C'est vrai que là, le rôle est hyper bien. Tu vois que c'est vraiment le truc central de l'œuvre de Anne Rice. Ouais, complètement. C'est vachement bien. Ah, Tommy Thomas, bravo. Tommy Thomas. Tommy Thomas. Ah oui, c'est une dernière anecdote qui est absolument ridicule, mais bon, je le dis quand même, c'est que très régulièrement, il mettait Tom Cruise sur une petite caisse. Enfin, il le surélevait. Non, c'est vrai, pendant le tournage. Bah ouais, parce que sinon, pour un vampire être petit, ça aurait fait bizarre. Ah, c'est nul, ça. C'est triste, hein. C'est trop triste. Un peu des anecdotes pour Sarkozy, quoi. c'est des heures d'anecdotes que t'as pas envie de lire, c'est vraiment c'est trop triste. C'est horrible. Et d'ailleurs, c'est pas là qu'il y a l'histoire des gâteaux. Oui, du Cruise Cake. Ouais, les Cruise Cake. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, Tom Cruise, tous les ans, depuis le tournage d'Entretien avec un vampire, tous les ans, il envoie à Kirsten Dunst un gâteau à son anniversaire. Oh, c'est mignon. Et elle est trop contente à chaque fois. Elle dit en plus, il dure deux minutes parce qu'il est trop bon. Et elle l'a appelé le Cruise Cake. C'est mignon. Et maintenant, du coup, il y a beaucoup de gens Star System qui ont bossé avec lui qui reçoivent ses gâteaux. Donc, il doit en acheter genre 200 et il les envoie à... Le Cruise Cake, c'est très connu à Hollywood. C'est très connu. C'est vrai. Ouais, c'est devenu parce qu'on sait, c'est un gâteau au chocolat. Non, de coco. Coco, ouais. Ah ouais. Moi j'aimerais pas qu'il me l'envoie, parce que j'aime pas ça, mais je trouve je serais très touché. Ah moi j'aimerais bien quand même. Moi je serais très touché. Ah ben attends, c'est énorme. Mais c'est trop, non, c'est mais mignon. Non mais c'est mignon. Et ça, il en envoie pas à Brad Pitt par contre. Non, non, j'imagine pas. Mais je pense qu'ils sont pas, non, ça va pas trop. Ils ont jamais retourné ensemble. Si je dis pas de conneries. Non, je pense pas. Ouais. Je sais pas. Non, voilà. Bah non, il pue. Il a des poux. Bon. Les poux, c'est tu peux les choper aussi parce que t'as des gamins, pas forcément mais parce que sûr, t'es sale. Bien sûr. Pauvre Brett. Il avait pas de gamins à l'époque, Brad Pitt. Bon, oui, d'accord. Donc après, vous en concluez ce que vous voulez. Peut-être c'est Kirsten Dunst qui avait les poux. Non, mais justement, elle voulait pas l'approcher parce qu'il avait des poux. Non, voilà. Mais vous doutez bien, à force de tourner avec des rats, c'est compliqué. Ouais, ça. En fait, c'était des faux, peut-être. Rats. Bon. Je sais pas. Bah, j'espère. Puis surtout, en plus, c'est ça. Là, je me suis dit quand j'ai vu ça, c'est bizarre, c'est qu'il a une perruque. Ou alors, si c'est ses vrais cheveux, c'est cata, quoi, ses cheveux. Non, c'est ses vrais cheveux, je pense. Ah, ils sont cata. Hein. Ben non. C'est une espèce de machin posé, on dirait Mars Attack. Oh, t'exagères. Ah non, c'est vilain. Bon, bref. Bon, bref. Enfin, on s'égare. On s'égare, on s'égare. Ouais. Du coup, je sais pas quelle heure est-il. Ah bah, non, à chaque fois, on essaye, on n'y arrive pas. Donc, on va se dire qu'on va faire un jingle. C'est l'heure du coup. Allez, le cruisomètre à l'échelle de 0 à 100, exprimé en pourcentage, pour après le visionnage, ce qu'on a pensé de Tom Cruise dans ce film, de son héritage, de tout ça. Tout dans ça, sa carrière. Ça, dans sa carrière, tout ça. Pas simple. Qui veut commencer pour donner un petit pourcentage? Very difficult, very difficult. Ouais, c'est difficile. Marie, t'as des idées ou pas du tout? Parce que moi, je sais pas. Ah, moi, je peux vous commencer. Vas-y, si vous vas-y. Alors, du coup, je me suis dit, c'est un film qui a quand même qui a une aura, qui est un peu culte. Oui. C'est un de ses seuls films méchants, où il fait le méchant, en tout cas où il a un rôle fantastique, etc. Donc ça, quand même, ça compte. Donc, déjà, on est obligé de monter ça, un peu. Ça, c'est très, très bien. Ensuite, dans le film, il n'y a pas grand monde qui lui arrive à la cheville, à part Kirsten Dunst. Donc, ça compte aussi. Ouais. Après, tout ce qui va faire que ça descend, c'est que le film n'est pas bon. Mais ça, c'est pas vraiment de sa faute. Du coup, pour tout ça, moi, je suis parti sur 59% pour jauger un petit peu dans une moyenne un peu haute parce qu'il est très bon et que voilà. Mais il ne faut pas que ça aille trop au-dessus parce que ça ne peut pas être plus mythique que ça. Ouais. Voilà. J'espère que c'était bien argumenté. Ouais, complètement. Oui, oui. Moi, j'étais sur 55. Tu vois. Ah, bah voilà, ah, 55, bah, voilà. C'est pas vrai. Voilà. Moi, j'étais un peu plus parce que je pense. Bah, oui, parce que ce rôle des méchants me plaît. Méchant, toujours entre guillemets, mais il est quand même trop cool, quoi. Je trouve ça trop génial. Je trouve ça génial qu'Anne Rice, au début, elle lui a dit non, ça, et qu'après, elle s'est retirée, qu'elle s'est excusée et tout. Là, ça te met en bonne. Ça, c'est super fort. Ouais, ça te met une bonne note aussi vis-à-vis des critiques, des machins, des trucs. Tu dis, ah ouais, quand même. Tu vois, il est revenu. Donc moi, j'avais plutôt envie de donner 60 et quelques, mais je ne sais pas combien. C'est pas mal. Hein. 62. Non, mais... 62, bim. Allez. Bim, donc, bon, je ne pas 62. Être trop loin. Non, non, mais c'est bien. Mais ça, ça mérite ça. Hein. Ouais, ça, ouais. Le film, même, non. Non, les films, non, pas du mais, tout. Mais Tom, oui. Ouais, quand même, il y a un petit... Là, tu sens qu'il commence à avoir un petit renommé, qu'il peut essayer des trucs un peu chelous, qu'il pourrait faire peut-être un jour un grand... chef d'œuvre. Ah ben oui. Et puis surtout, on se rend compte que là, il est suffisamment puissant pour monter sa boîte de prod. Ah, parce que c'est là qu'il la monte. Non, c'est l'année d'après, quoi. Ben oui, l'année d'après. Oui. Totalement. Mais ça, on en parlera dans le prochain. Dans le prochain truc. Dans le prochain épisode. Super. Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes, je vous ai pas donné, c'est 64%. Ah ben voilà. Ouais, mais là, c'est pour le film. C'est pas pour Tom Cruise. Ah oui, c'est vrai. Mais je te dis, c'est ça a marché. Ça a marché, en fait. C'est ça qui est très surprenant. Et 4 étoiles sur Allociné, je le note, je le dis rarement, 4 étoiles, c'est énorme. Hein. C'est énorme. C'est que les gens, ils sont fans de ça. Les Français sont fans oui, de les ça. Les Français pardon. Sont fans de ça. Bah, c'est vrai que c'est bizarre, mais bon, forcément, à l'époque... C'est ça, il faut replacer dans le contexte, oui, hein, je pense. Raison. Oui, t'avais pas de truc de vampire, tout d'un coup, il y en a un. C'est ça. En plus, il y a Brad Pitt, il y a Tom Cruise, machin. Ouais, ça peut faire des... Et en plus, à part des États-Unis... Chose qu'on sous-estime beaucoup, mais de dire on a une mythologie qui quand même commence à la Nouvelle-Orléans. Ouais, je trouve qu'il y a un truc qui est fort pour les États-Unis qui n'ont pas dépassé finalement. Oui. T'as qui l'ont, mais qui l'ont détruit. Oui, voilà. Qui n'est pas écrit, quoi. Ils ont fait quand même un génocide, mais bon, ouais. Bah, après, oui, l'histoire des États-Unis est réduite. Est réduite. Le continent plus large, mais oui. Ouais. On s'est compris. Et du coup, je pense que ça peut jouer sur leur attachement au film. Je dirais. Et en plus, ils sont français. Colon français. Alors, Allociné, il aime bien ça. Ça doit être ça. Ils ont écrit Orléans. Ils n'ont pas compris Nouvelle-Orléans. Ils ont dit Orléans. Oh, génial, Orléans, j'adore. Et ils essaient de parler français, d'ailleurs, à des moments, c'est un peu ridicule. Avec les autochtones. Ouais. Ok, bon, allez. Par contre, là, c'est l'heure de la question. La question, la grosse question de la semaine. Oh, non. Attention, c'est la question. What? La question du jour. Bon, c'est une question à la con, souvent. C'est souvent le cas. C'est une question à la con, mais c'est pour lancer un petit débat qui sert à rien. Histoire que l'émission dure encore plus longtemps que d'habitude. La question, c'est est-ce que Tom Cruise est un vampire? Est-ce qu'il est éternel comme un vampire? Bah, notre experte en vampire. Parce que il y a non, ce truc... Non, je ne suis pas experte. Bah, quand même, plus que nous, en tout cas. Dans les trios, t'es l'experte. Après, la question, elle vient, en fait, c'est un petit peu un truc à la con pour faire une blague par rapport aux vampires, mais c'est aussi parce que dans la carrière de Tom Cruise, il y a un peu cette histoire de la quête de la jeunesse éternelle, en fait. Bah oui, il est mortel. Il joue toujours avec son corps pour toujours avoir l'air jeune. Enfin, il y a un truc, quand même, qui est vachement dans cette espèce de truc où il veut toujours paraître plus jeune à travers ses rôles, quoi. Donc c'est vrai, pour ça. Vaut-il vraiment peu... hein? Je sais pas. Il veut tu penses vraiment qu'il essaie de... Ah, il y a un truc quand même que je trouve. Peut-être. En tout cas, on veut pas... en tout cas dans tous ces films quand tu regardes, faut surtout pas qu'on voit qu'il vieillit en fait. Il vieillit pas dans ces films. Il bouge jamais trop, tu vois. Il y a un truc Mais bon, c'est vrai que c'est plus pour la suite de sa carrière. Je sais pas, tu vois. Ouais, t'es pas sûr. Non, je suis pas sûre. Parce que quand même, on le voit qu'il vit dans certains films et qu'il joue un peu sur le fait qu'il est... Ouais, plus c'est très, très récent, ça. Hein. Oui, c'est Jack Reacher. C'est le deuxième Jack Reacher, mais il n'a pas eu trop oui, de... c'est vrai. Parce que là, maintenant, il a 60 piges, ça commence à être... Ça commence à faire vieux, ouais. Ouais. Bah, je sais pas. Moi, je dirais il est aristocrate. Ça, c'est sûr. Il a des latines. Non, il n'est pas aristocrate d'origine, en tout cas. Non, mais tous les vampires deviennent... Tu vois, c'est quand même... C'est l'ascension. Les vampires, c'est une mythologie aristocrate. Aristocrate, ouais. Tu vois, c'est pas les zombies, que c'est les prolos, quoi. Et tu crois qu'il est plutôt aristocrate. Bah, mais non, attends, il fait partie du star system. C'est la putain d'élite du monde entier, quand même. Je sais pas. Mais il a pas les canons, comment on dit, les dents, là. Oui, il a pas de canines, ouais, c'est vrai. Il n'y a pas le double canine, que je trouvais ça pas mal dans les films. Alors après, est-ce qu'il vampirise les autres acteurs sur avec qui il tourne? Non, ça c'est horrible. Bah non, mais là, tu vois, sur le film, on pourrait se dire, comme c'est le seul à bien jouer avec Kirsten Dunst, qu'il vampirise et qu'il prend toute la place et que les autres ne jouent pas bien à cause de lui. Non, est-ce que tu peux avoir ce truc-là? Là, non, c'est juste que Brad Pitt est nul. Voilà, bah, à un moment donné. Non, mais est-ce que sur d'autres films, on a cette sensation de. Parce que, tu sais, ça peut arriver, tu vois, prendre Johnny Depp par exemple. Johnny Depp, quand dans ses films, t'as vraiment l'impression qu'il faut qu'il prenne toute la place qu'on lui laisse. Enfin, même au-delà, quoi. Oui, oui, oui. Est-ce que Tom Cruise, on a cette impression-là, quoi? Non, non. Regarde, mais non, regarde. Toute l'objectivité de Serena qui arrive d'un coup. Non, non, non, regarde. Non, c'est pas possible. Parce que sinon, ça voudrait dire que dans les scènes où il n'y est pas, les comédiens ils jouent vachement mieux. Alors que quand il n'y a plus Tom Cruise, il y a Brad Pitt et Antonio Banderas. Ouais, c'est chaud. Oh putain, c'est trop relou, quoi. Ouais. Donc, je sais pas. Non. Bon, donc au final, c'est pas forcément, c'est pas vraiment un vampire. On n'est pas trop d'accord. Ok. Bah, bon. En tout cas, pas moi. Cette question m'a laissé complètement. Ça t'a séché. Hein. Ouais. Ah, c'est une habitude à prendre les questions de merde comme ça. Serena, ça doit être la troisième. Là, commence à capter un peu qu'il faut réagir vite et remettre le sujet sur un bon endroit parce que là. Ouais. Non. Mais bon, super intéressant, ouais. On y reviendra peut-être un jour. Juste petit détail, les dents, parce qu'on parle beaucoup des dents de Tom Cruise, tu vois, les dents parfaites et tout. Bah, d'ailleurs, je viens de découvrir que, bah, je sais pas si je l'avais déjà dit, mais que ces dents, ils sont déplacés des 7 mm. C'est énorme, 7 mm. Le centre des... Parce qu'il s'est fait faire les dents, tu vois, qui sont assez, entre guillemets, parfaits. Ouais. Et en fait, c'est décalé des 7 mm. Sur les côtés. Et en fait, avec les canins, là, canines, ils lui ont déplacé. J'ai l'impression que dans les images, ils sont déplacés aussi. En fait, ils ont refait. Ils ont refait des dents déplacées. Des aussi. Dents un peu déplacées. Il a ses mêmes dents, mais avec des canins. Voilà, petite canine. Un dentier, quoi. Ils ont mis un dentier. Un dentier pareil que les siens. Et oui, bah, heureusement. Déplacé. Oui. Mais c'est trop bizarre, non? Bah, tu peux difficilement un dentier, si tu le remets pour qu'il remette à la place, ça va être compliqué parce que. Ah oui, mais non, mais je pensais qu'ils avaient un faux truc, mais en effet, non, ils ne peuvent pas avoir un faux truc. C'est pas le truc des carnavals. Ouais, c'est. Chalut, tout le monde, je comme ça. Okay, pardon. Ce qui expliquerait peut-être pourquoi Brad Pitt joue mal. Eh oui. Ah oui, parce que Brad Pitt, il disait que c'était le maquillage, c'était chiant, il y avait une heure de maquillage tous les matins. Ouais, ça devait être chiant. Les lentilles. Ouais, mais enfin, bon, c'est pas. Une excuse. Il a toujours une bonne excuse, ce Brad Pitt. J'espère que il fera mieux dans la suite de sa carrière, parce que là, moi, j'entends ça. Prochain film, je l'embauche pas. Ok. Voilà. Pouf, c'est décidé. Allez, avant de se quitter, le tour des recommandations. Les recommandations tour. Vas-y, Serena. J'y vais. Eh ben, j'ai eu beaucoup de mal parce que je connais pas trop les histoires de vampires, mais j'ai beaucoup aimé Kirsten Dunst. Et j'ai regardé sa filmographie là, un peu pour voir qu'est-ce qu'elle avait fait, et j'ai vu. J'avais oublié, mais en effet, ça m'a paru une évidence. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Vous voyez les films de Gondry avec Jim Carrey et Kate Winslet. Et elle joue un super rôle là-dedans. Et j'ai trop aimé ce film. C'est un de mes films préférés. Donc je le conseille. Je le regarde tous les années. Et ben, je ne me souvenais pas qu'il y avait Kirsten Dunst. Et ben, moi non plus. J'ai fait, mais oui, c'est vrai, c'est la secrétaire. Qui est bon, je ne vais pas dire plus. Mais il est trop bien, son perso. Voilà. Cool. Ma recommandation. Super. Et vous, et toi, et toi. Je veux parler. Marie. Oui, j'en ai deux recommandations. Ah, j'en ai une petite et une plus longue. Vas-y. Alors, Recommandation. Je l'ai pris avec moi parce que j'arrive pas à... Je me rappelle plus les noms. C'est une bande dessinée. Oh. Un comics qui s'appelle These Savage Shore. Ok. C'est Rivage sauvage en français. C'est écrit par Ram V et dessiné par Sumit Kumar. C'est édité en France chez iComics. Et en gros, c'est l'histoire de... Il y a du vampire dedans et des buveurs de sang, mais plutôt côté indien. C'est un peu les deux mythologies Orient-Occident qui se rencontrent à travers de l'histoire coloniale et de la route de la soie, etc. Et donc, c'est ces monstres-là, monstres buveurs de sang, qui se rencontrent. Et c'est assez rigolo parce que ça parle en sous-texte un petit peu de ça, quoi, des luttes Occident-Orient et de les emprises qu'il y a les uns sur les autres et qui est la bête, comment vit la bête, d'où vient la bête aussi. Et c'est très, très beau, très, très chouette, très bien écrit, très surprenant. Et c'est un peu, pour la peine, une réinvention avec une vision orientale du mythe du buveur de sang. Voilà. Trop bien. Je vous recommande donc These Savage Shore. Savage Shore. Voilà. Ça rame vie. C'était vachement bien. Et la deuxième? Et la deuxième, c'est juste rapidement, c'était par rapport à la Nouvelle-Orléans. C'était un bouquin de Ray Célestin qui s'appelle Le Carnaval, qui se passe à la Nouvelle-Orléans. Il y a un petit peu, c'est un thriller. Il y a un petit peu d'ésotérisme, un petit peu de trucs comme ça. Et c'est juste parce que c'est une écriture hyper filmographique. Enfin, vraiment, ça pourrait être un film. C'est presque le scénario, il est déjà écrit. Et c'est super cool. Et ça te met vraiment dans l'ambiance Nouvelle-Orléans. C'est cool. Trop bien. Ok. Voilà. C'est deux pour le prix d'un. C'est cadeau. Pif. Marie, votre recommandation. Alors moi j'en ai plusieurs, mais non mais c'est surtout prenez des notes. Plutôt film. Super. Alors il y a un film qui date de 2010 et qui s'appelle tout simplement Vampire. Okay. C'est un film belge de Vincent Lanoux et en fait c'est un film documentaire sur une famille de vampires. Et c'est très très drôle. Ah, bien, donc c'est des journalistes en fait qui vont suivre une famille de vampires pour voir comment ils vivent. Génial. Et du coup, je vous le conseille parce que c'est vraiment, enfin, très très drôle. Cool. Super. Ensuite, alors là, bon, c'est franchement un soir si vous avez rien d'autre de mieux à regarder. Ah, parce j'aime bien que, ça. Parce que bon, voilà, ça passe, mais sans grand chose de fantastique, mais ça s'appelle Les Dents de la Nuit. D'accord. C'est un film français. qui date de 2008. Un film de Vincent Lobel et Stéphane Cafiero. Il y a Hélène de Fougerolles dedans, il y a Frédéric Bell et d'autres. Il y a, je crois que le compère de Michael Youn, là, le grand frisé, comment il s'appelle, Vincent. Ah, de Sanya. Voilà. C'est complètement débile, en fait. C'est trois copains qui reçoivent des invitations. En fait, ils se démerdent, ils les reçoivent pour la soirée Médicis. C'est une soirée légende urbaine. Machin, et ils se retrouvent amenés en hélico pour atterrir dans un château où là ça part en live complet. C'est marrant, c'est divertissant. Très bien, cool. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais voilà. Super, parfait. C'est parfait, c'est quand même. Et après, non, c'est juste parce qu'il y aurait d'autres trucs, mais là, ça va être plus justement pour le répertoire de tout ce que vous pouvez aller voir. Avant l'émission, en fait, je suis tombée sur un site qui s'appelle vampirisme.com. Non, c'est vrai. Où ils ont répertorié, en fait, tous les films où apparaît la figure du vampire. Il y a donc films, séries télé, livres, manga, BD. Donc voilà, si vous êtes un peu curieux et que vous avez envie d'aller voir ça, c'est il y a un gros boulot collectage de archivage d'infos. Bien, c'est dingue ça. Et du coup, je me suis juste rendu compte que il leur manquait quand même un truc dans les séries télévisées. Série que je regardais quand j'étais gamine, qui passait à la télé et qui s'appelle Der kleine Vampir. Le Petit Vampire, une série allemande, adaptation de bouquin pour enfants, je pense. Génial. Voilà, d'Angela Sommer quelque chose, où c'est un petit garçon qui est ultra fan des vampires. Et en fait, un jour, il y a un petit vampire de son âge qui arrive chez lui. Ils deviennent copains et voilà. Oh, donc, voilà. Vampires gentils et tout. Il y a eu qu'une saison, 13 épisodes. Je ne sais même pas où on peut le trouver, ce truc, maintenant. Mais vous avez au moins le générique sur YouTube. Voilà, yeah, Dark Line Vampire. Merci beaucoup. Ah, trop choupi. Ah là là, super recommandation. Ouais. Dis donc. Là, on a du matos. On est habillé pour l'hiver. Vous avez 2 semaines pour regarder tout ça. Ouais, c'est clair. Alors, quant à nous, maintenant que tout ça c'est fait, on nous dit qu'on se retrouve dans 2 semaines. Yes. Alors, on se retrouve comme d'habitude sur toutes les applications, machin, truc bidule qui font du podcast. Oui. Souvent, ça finit en cast quelque chose. Ou ça démarre en cast, machin. Enfin, normalement, tu les connais. On a aussi sur notre site internet qui s'appelle cruisecontrol.card.co. Card, C-A-2-R-D.co. Voilà. Vous le trouvez un petit peu partout, etc. Vous n'hésitez pas, vous en parlez à droite, à gauche, au milieu, à tout le monde. Vous mettez des étoiles là où il faut mettre des étoiles ou d'autres trucs là où il faut mettre d'autres trucs. Je ne sais jamais exactement, mais bizarre, vous le faites phrase, ça. Okay. Ouais, enfin, tu vois, des fois, c'est des pouces, des fois, c'est des étoiles. Donc, oui. Tu mets ce qu'ils te demandent de mettre. Ok. Mais où tu ne les mets pas, tu vois. Comme tu veux. Tu fais ce que tu veux, finalement. Tu es un être libre. On se retrouve dans 2 semaines pour parler là d'un monument, d'un événement. D'un gros morceau. Un gros morceau. Qui s'appelle Mission Impossible. Ooh, yeah. De Brian De Palma. Yes. Bon vieux Brian. D'ici là, vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous nous envoyez des petits messages et puis nous on sera contents. On vous laisse avec un petit morceau de musique. On remercie très très fort Marie. Oui, merci notre à vous. Expert mangeur de chair, buveur de sang et autres joyeusetés. Mais pas que. Trop génial. C'était trop cool. Et puis on se dit dans 2 semaines. Des bisous. Des bisous. Bisous. Held at the general's rank when the blitzkrieg.